إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا واعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار ممر، وأنكم ما زلتم في سفر، وأن إلى ربكم المستقر، وأنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن هذه المواسم أيام عشر ذي الحجة التي ستدخل بإذن الله تبارك وتعالى في بداية الأسبوع المقبل، إما يوم الاثنين وإما يوم الثلاثاء، وهي أيام من أعظم الأيام عند الله، ولا يخفى فضلها وشرفها إلا على أهل الغفلة والإعراض. أيام عظم الله فيها العمل وأجزل فيها الأجر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Chers musulmans, craignez Allah Azza wa Jal, et sachez que vous êtes dans cette vie d'ici-bas, dans une vie éphémère, dans un endroit de passage, et que vous êtes considérés comme étant voyageurs. Un voyage qui a un début et qui connaîtra une fin, et l'arrivée sera vers Allah subhanahu wa ta'ala, la demeure éternelle, celle dans laquelle vous resterez jusqu'à l'éternité, sera soit un paradis ou soit un enfer qu'Allah nous en préserve. Et sachez que durant l'année, il y a des moments bénéfiques, des moments bénis que connaît le musulman à travers des jours qu'Allah Azza wa Jal a bénis. Parmi ces jours, il y a les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, le dernier mois de l'année égyrienne, un des mois sacrés qu'Allah Azza wa Jal a rendu sacré. Et ces 10 premiers jours sont d'autant plus sacrés, et Allah Azza wa Jal multiplie la récompense des actes qui sont accomplis durant ces jours. Et malheureusement, seuls ceux qui sont égarés, seuls ceux qui sont déviés du droit chemin passent à côté des mérites de ces jours qui sont immenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. ففي هذه الأيام العشر المباركة التي نوه الله بها كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، فإن المراد بها عشر ذي الحجة، وقد أقسم الله تبارك وتعالى بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها، إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم. وإنها الأيام المعلومة التي يشهد المسلمون فيها والجميع منافع لهم، ويذكر اسم الله كما أخبر بذلك الله جل وعلا في كتابه الكريم حيث قال جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ففي قوله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه الأيام هي العشر الأول من ذي الحجة. يا الله سبحانه وتعالى a cité ces 10 jours de ذي الحجة, ces 10 premiers jours du mois de ذي الحجة dans son livre saint, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Fajr, surat l'aube et par les 10 nuits. Les 10 nuits, c'est-à-dire les 10 jours de Dhul-Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala a juré ici par les 10 jours de Dhul-Hijjah. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de jurer par une de ses créatures. Quant à ces créatures, elles n'ont droit de jurer que sur Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui jure, qu'il jure par Allah, ou bien qu'il se taise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de jurer sur autre qu'Allah. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a alors associé. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il a le droit de jurer par la créature qu'il désire. Et Allah azza wa jal jure par une de ses créatures pour montrer l'importance de cette chose et la valeur qu'elle a auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Et ici dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a juré par ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah pour montrer que ce sont des jours importants chez Allah subhanahu wa ta'ala, que ce sont des jours que le musulman ne doit pas laisser passer en vain sans en profiter, sans prendre les provisions nécessaires. Et également, Allah Azza wa Jalla a cité ces jours de Dhul-Hijjah dans Sourate Al-Hajj, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de Ibrahim alayhi salam, lorsqu'Allah azza wa jalla lui a montré l'endroit qu'il devait adorer, à savoir la Kaaba, et Allah azza wa jalla lui dit et n'y associe pas quoi que ce soit et purifie-la, c'est-à-dire purifie cette maison sacrée pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui sont debout devant elle, pour ceux qui s'incline et se prosterne pour Allah Azza wa Jal. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens et appelle les gens au pèlerinage. Ils viendront à toi en marchant à pied, ils viendront de tout endroit de la terre afin d'assister aux bénéfices qu'Allah Azza wa Jal leur accordera et afin qu'ils se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala durant des jours bien fixés. Et les savants de l'islam ont expliqué que ces jours bien fixés étaient les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. إن هذه الأيام أيها المسلمون مواسم عظام ولا يظن ظان أن فضلها وبركتها مقتصرة على حجاج بيت الله الحرم فقط وإنما يشترك في خيرها حجاج بيت الله الحرام وكذلك المقيم على الطاعات في كل الأرض وجناباتها ومن يتنافس على عمل الخير والأعمال الصالحة النافعة يضاعف لها الثواب ويرقي إلى أعلى الدرجات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Ces jours, comme je le dis et je le répète, sont des jours importants en islam, des jours bénis. Et il ne faut pas penser ou croire que ces jours sont bénis ou que peut en profiter uniquement ceux qui accomplissent leur pèlerinage. Tous les musulmans peuvent bénéficier des biens et des mérites de ces jours, qu'ils soient au pèlerinage ou qu'ils soient chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Abdullah ibn Abbas, il n'y a pas un jour où il n'y a pas des jours où l'acte pieux est plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala que durant ces jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ils ont dit oh, envoyé d'Allah, et même le combat dans le sentier d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même le combat dans le sentier d'Allah, sauf pour un homme qui est parti avec tout son argent et sa personne et ne revient avec aucun des deux. وهذه الأيام يشرع فيها للمسلم أعمال ينبغي أن يحافظ عليها ومن هذه الأعمال أولا أداء الحج والعمرة وهو أفضل ما يعمل ويدل على فضله عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Et durant ces 10 jours de Dhul Hijjah qui commenceront à partir de lundi prochain ou de mardi selon l'apparition du croissant de lune, il y a des actes qui sont légiférés à faire. Le premier de ces actes et le plus méritoire, c'est d'accomplir le Hajj et la Umrah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité beaucoup de hadiths qui montre le mérite et les bienfaits d'accomplir le Hajj et la Umrah. Parmi ces hadiths, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre la Umrah et la Umrah, il y a une expiation des péchés. Et le pèlerinage sincère, le pèlerinage qui est accompli dans de bonnes circonstances, n'a d'autre récompense que le paradis. Thaniyan, من الأعمال المشروعة في هذه العشر صيام هذه الأيام الأيام التسعة أو ما تيسر منها وبالأخص يوم عرفة والصيام عمل مبرور وسعي مشكور أهمله مع شديد الأسف كثير من الناس فتجد بعضا من المسلمين قد تهاون في هذه السنة العظمى لا يصوم إلا شهر رمضان أما صيام الاثنين والخميس أو أيام البيض أو يوم عرفة فلا يصومها إلا من رحم الله وهذا جهل عظيم بفضل هذه الأيام بفضل صيامها ووافر الأجر التي تكون لمن صامها. اسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام حيث قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 عاما متفق عليه. أما صوم يوم عرفة ففضله عظيم وأجره كبير كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده فيستحب صيامه لغير الحاج أما الحاج فلا ينبغي له أن يصومه حتى يتقوى على الوقوف وذكر الله تبارك وتعالى وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. وفي رواية إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين. Le deuxième acte qu'il est recommandé de faire, c'est de jeûner les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah et de s'abstenir de jeûner le 10e jour, car c'est le jour de fête. Le 10e jour de Dhul-Hijjah n'est autre que le jour de Eid al-Adha, et il est interdit à l'unanimité des savants de jeûner le jour de l'Eid. Il est donc recommandé, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner ces 9 premiers jours. Et de façon plus particulière, pour celui qui ne peut pas jeûner ces 9 jours, qu'il en jeûne une partie, et celui qui ne peut pas en jeûner une partie, qu'il fasse tout son possible alors pour ne pas délaisser le jeûne du jour de Arafah, qui est le 9e jour de ce mois béni, le mois de Dhul-Hijjah. Et le jeûne, malheureusement, est une adoration qui est délaissée par beaucoup de musulmans, au point que les musulmans, ou la plupart de ces musulmans, ne se contentent que de jeûner le mois du Ramadan, en délaissant le jeûne des 6 jours de Shawwal, en délaissant le jeûne du lundi et du jeudi, en délaissant le jeûne du 13e, 14e et 15e jour du mois lunaire, en délaissant le jeûne de Ashura, le jeûne du jour de Arafah, etc., etc. Sauf ceux à qui Allah Azzawajal a accordé ce bienfait. Et ceci est une conséquence de l'ignorance des musulmans, de l'ignorance des bienfaits et des mérites du jeûne. Écoutez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: lorsqu'un serviteur jeûne un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala éloignera son visage du feu de l'enfer d'une distance qui est parcourue en 70 années. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quant au jour de Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Abu Qatada radiallahu anhu, a dit: le jeûne du jour de Arafah, je demande à Allah, ou j'espère d'Allah, qu'il pardonnera les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Il est donc fortement recommandé aux musulmans de jeûner le jour de Arafah, et doit s'en abstenir celui qui est au pèlerinage. Il doit s'abstenir de jeûner ce jour, car c'est un jour très important dans le pèlerinage. C'est même un des piliers de ce pèlerinage. Et le musulman a besoin de se renforcer, a besoin d'énergie qu'il devra dépenser dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans son invocation, car c'est un jour immense. Un jour, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah azza wa jal épargne le plus de serviteurs du feu de l'enfer. Un jour où Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel le plus bas et fait et vante les mérites des pèlerins auprès des anges. Et Allah azza wa jal s'adresse aux anges et leur dit: que veulent-ils? Pourquoi sont-ils venus? Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah azza wa jal s'adressera à ses anges et dira: regardez mes serviteurs, ils sont venus décoiffés, pleins de poussière et en égorgeant leurs bêtes. ثالثا من الأعمال المشروعة في هذه الأيام التكبير والذكر في هذه الأيام. يقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقد فسرت بأنها أيام العشر. وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق عن فقهاء التابعين رحم الله الجميع أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد حيث لم ينقل ذلك عن السلف، وإنما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده، وهذا في جميع الأذكار والأدعية، إلا أن يكون الإنسان جاهلا فله أن يلقن من غيره حتى يتعلم. Troisième acte à accomplir, c'est le fait de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 premiers jours, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, et afin qu'il se rappelle le nom d'Allah durant des jours bien fixés, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et le Bukhari muslim, le Bukhari rapporte que Abdullah ibn Umar et qu'Abu Hurayrata radiallahu anhuma faisaient beaucoup le takbir et prononçaient la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 premiers jours. Et lorsqu'ils sortaient, ils proclamaient la grandeur d'Allah azza wa jal dans les marchés et dans les routes. Il est donc préférable et recommandé aux musulmans d'accentuer ces takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar durant ces 10 premiers jours et d'y élever la voix, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, wa litukabbiru Allah ala ma hadakum, et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Et il n'est pas autorisé, il n'est pas légiféré de faire le takbir ensemble, d'une seule et même voix, car cela n'a été rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, et ni des pieux prédécesseurs qui les ont suivis par la suite. Mais chaque musulman doit faire son takbir de façon personnelle et ne pas le faire ensemble d'une seule et même voix, sauf pour celui qui ne sait pas prononcer le takbir et qui répète uniquement dans l'intention d'apprendre. والعمل الرابع التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة، فالمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات أسباب القرب والود. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه كما في الصحيحين. Le troisième acte recommandé durant ces 10 derniers jours, c'est de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'abstenir des péchés et des désobéissances, car d'accomplir de bonnes œuvres facilite le pardon et facilite également l'accès à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux désobéissances, quant aux péchés, ce sont le plus souvent les causes de l'égarement et les causes de l'éloignement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce sujet, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah yaghar, Allah subhanahu wa ta'ala a de la ghaira, c'est-à-dire qu'il a de la volonté, ou qu'il a de la colère et qu'il s'irrite. وَغِيرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala est en colère et est insatisfait lorsqu'un de ses serviteurs tombe dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. والأمر الخامس الذي يستحب فعله في هذه الأيام العشر: الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين أفدى الله ولده بذبح عظيم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما متفق عليه. Il est également recommandé durant ces 10 derniers jours et durant ces 10 premiers jours et plus précisément le 10e jour et les 3 jours de Tashriq qui sont les 3 jours qui suivent le jour de l'Aïd, il est recommandé, voire obligatoire chez certains savants, de sacrifier une bête, car c'est une sunna de notre père Ibrahim alayhi salam, lorsqu'Allah azza wa jal a remplacé le sacrifice de son fils par le sacrifice de cette bête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a la possibilité d'égorger, qu'il égorge, et celui qui n'égorge pas, tout en ayant la possibilité qu'il n'approche pas nos lieux de prière. Les savants l'ont déduit, ou certains savants l'ont déduit ce hadith, qu'il est fortement recommandé, voire obligatoire, pour celui qui en a la possibilité financière, de sacrifier une bête le jour de l'Aïd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé le jour de l'Aïd. A égorgé le jour de l'Aïd deux béliers de couleur blanche et noire. Deux béliers de couleur blanche et noire ayant de grandes cornes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a sacrifiés de ses propres mains. Il a prononcé le nom d'Allah et a dit Allahu Akbar et a posé son pied sallallahu alayhi wa sallam au niveau du cou de la bête, puis les a égorgés, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et malheureusement, beaucoup de gens délaissent et commencent à délaisser cet emblème de l'islam, car le musulman sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit Allah azza wa jalla, yannal allaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yannaluhu taqwa minkum. N'arrive pas Allah azza wa jalla, ni le sang de cette bête, ni la viande de cette bête, mais ce qui arrive à Allah Azza wa Jal, c'est la piété, c'est votre piété, en sacrifiant cette bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne délaisse pas donc cet emblème de l'islam, même si les obstacles sont présents, même si les difficultés sont de plus en plus difficiles à surmonter. Le musulman doit faire son possible pour sacrifier sa bête le jour de l'Aïd ou bien alors les 3 jours de Tashriq. Car les jours dans lesquels il t'est légiféré de sacrifier ta bête sont au nombre de 4, le jour de l'Aïd, puis le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul-Hijjah. Tu as 4 jours pour sacrifier ta bête. Si tu ne peux pas le jour de l'Aïd, essaie le lendemain. Si tu ne peux pas le surlendemain, etc., etc. Mais en aucun cas, les musulmans ne doivent baisser l'importance du sacrifice de la bête le jour de l'Aïd, quelles que soient les attaques qui sont faites par ceux qui n'aiment pas l'islam ou ceux qui ne veulent pas que l'islam se propage. Le musulman doit être fort et ses pas doivent être fermes et ses convictions doivent être, ou plutôt ses actes doivent être proportionnels à ses convictions et à sa foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْأَمْرُ السَّادِسِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا مَا رَوَاهُ مَا رَوَتْهُ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. ولعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي، فقد قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم زوجه ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر. Et également, Umm Salama radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous voyez le croissant de lune du mois de Dhul-Hijjah et que l'un d'entre vous a l'intention de sacrifier sa bête qu'il s'abstienne de couper ses cheveux ou de couper ses ongles, qu'il s'abstienne de couper ses cheveux ou de couper ses ongles. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne coupe ni ses ongles ni ses cheveux jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Et ceci est propre, ou ce jugement concerne uniquement celui qui a l'intention d'égorger et ne concerne pas ni sa famille ni ses enfants. Et cela n'interdit pas aux musulmans de se laver les cheveux, même si ce lavage des cheveux a pour conséquence que certains de tes cheveux tombent. Il n'y a pas de mal à cela. Voilà, من الأمور العظام في هذه الأيام العشر الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى وحضور الخطبة والاستفادة وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد وأنه يوم شكر وعمل بر فلا يجعله يوم أشر وبطر ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والملاهي والمسكرات ونحوها مما قد يكون سببا لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر. Parmi les actes les plus méritoires durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, c'est bien sûr d'accomplir la prière de l'Eid, qui est obligatoire pour les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même ordonné aux femmes indisposées de venir assister au discours et de s'abstenir de prier, mais de venir assister dans l'endroit où se rassemblent les musulmans. Le musulman doit donc accomplir cette prière, car c'est une obligation. Et il ne doit pas faire de ce jour de fête, un jour dans lequel il se lâche et désobéit à Allah Azza wa Jal en faisant la fête selon sa conception, à savoir en écoutant de la musique, en consommant de l'alcool, wal'iyadu billah, et en faisant toutes sortes de désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas cela faire, ou ce ne sont pas des actes comme ceux-ci qui sont demandés à faire le jour de l'Eid, mais c'est plutôt d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en accentuant ses invocations, en accentuant ses prières et en accentuant surtout le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le takbir. Ayyuha al-muslimun, nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana من الذين يغتنمون هذه الأيام العشر ومن الذين يتزودون في هذه الأيام بخير الزاد وهو التقوى ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يذكرون الله في أيام المعلومات ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا تراصوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضالين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت يا الله أكبر يا بوزي son pied sallallahu alayhi wa sallam au niveau du cou de la bête puis les a égorgés sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et malheureusement beaucoup de gens délaissent et commencent à délaisser cet emblème de l'islam car le musulman sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala et comme l'a dit Allah azza wa jalla yannal Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum n'arrive pas Allah Azza wa Jal ni le sang de cette bête ni la viande de cette bête mais ce qui arrive à Allah Azza wa Jal c'est la piété c'est votre piété en sacrifiant cette bête pour Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse pas donc cet emblème de l'islam même si les obstacles sont présents même si les difficultés sont de plus en plus difficile à surmonter, le musulman doit faire son possible pour sacrifier sa bête le jour de l'Eid ou bien alors les trois jours de Tashriq. Car les jours dans lesquels il t'est légiféré de sacrifier ta bête sont au nombre de quatre, le jour de l'Eid, puis le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul-Hijjah. Tu as quatre jours pour sacrifier ta bête.

وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.